something she knew. I said all these things she's come through. I said it seems a bit like she knew. Petit dernier. Thank you. les paroles. Je vole les paroles. C'est fort. Dernier souffle, Dédicace à Flamby et Sarkozy. Bon, c'est l'heure de l'apéro. Je paye la mienne. Salut Phil, salut Fastero. Fastero. Et vas-y, salut Grise et bon week-end.